Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous raconte l'odyssée des animaux migrateurs. Oiseaux, baleines, crabes, poissons et papillons prennent la poudre d'escampette et traversent la planète pour passer l'hiver au chaud ou pour élever leur progéniture. Sacrée aventure! J'aurai ensuite la chance de recevoir mon micro Peggy et Yannick Clerquin, biologistes et imprégnateurs, qui viennent nous présenter leur travail avec les pélicans que l'on retrouve à l'écran, notamment dans le célèbre Peuple migrateur de Jacques Perrin. Bonjour Peggy, bonjour Yannick, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Qui n'a jamais rêvé de se dorer la pilule toute l'année, loin de la morosité et du frimas hivernal? Un grand nombre d'animaux, sur terre, dans les airs et dans la mer, ont choisi cette option aventureuse, mais coûteuse. Certains parcourent quelques kilomètres, comme notre rouge-gorge familier, et d'autres traversent le monde, comme la baleine à bosse qui voyage des eaux chaudes du Pacifique au courant froid de l'Arctique. Mais pourquoi migre-t-il? Pour plein de raisons. Trouver de l'eau et de la nourriture ailleurs quand les ressources viennent à manquer, choisir un partenaire et donner la vie dans un endroit plus adapté à un nouveau-né. Et comment font-ils? Alors, bien que l'on commence à avoir quelques éléments pour comprendre l'orientation de ces animaux, certaines questions restent sans réponse. Ceux qui ont été les plus étudiés et qui restent emblématiques de ces voyages au long cours restent les oiseaux. Apprenez que ce phénomène de migration est longtemps resté énigmatique pour les humains. Dans la Bible et dans l'Iliade, il est fait mention d'oiseaux disparus qui reviennent au premier beau jour. Mais personne ne sait vraiment ce qu'ils font pendant leur absence. Aristote raconte que les oiseaux hibernent, comme les marmottes, et piquent un somme en attendant le retour du printemps. Fait que de nombreux scientifiques ont cru véridique jusqu'au XIXe siècle. Encore plus fort, Olaus Magnus, un archevêque suédois du XVIe siècle, affirme dans ses écrits que les hirondelles dorment sous l'eau pendant l'hiver, bien cachées dans la vase des lacs, comme les crapauds. Une hypothèse plutôt audacieuse. Pour déterminer comment les oiseaux trouvent leur itinéraire et sur quel sens ils se basent, les scientifiques ont tenté plusieurs approches. Et leur sujet d'expérimentation fétiche reste le pigeon voyageur, bien entendu. Et ce, dès le début des années 50. Dans un article publié en 1953 dans le Journal of Experimental Biology, Matthews, de l'Université de Cambridge, démontre que les pigeons ont besoin du soleil et d'un ciel dégagé pour retrouver le chemin de leur pigeonnier. En exposant les animaux à des durées de jour et de nuit inégales et en les nourrissant à des horaires différents, les pigeons sont désynchronisés et en conséquence ne reviennent pas au même endroit que quand ils sont exposés à une alternance jour-nuit classique. Une étude publiée en 1972 par l'équipe de Papi dans l'Italian Journal of Zoology a également prouvé que les pigeons utilisaient leur nez pour s'orienter. Les pigeons, dont on a bouché les narines avec du coton, sont désorientés et ne retrouvent pas leur chemin. On pense donc qu'ils sont capables de reconnaître l'odeur de leur point de départ et qu'ils peuvent se guider en suivant ces stimuli odorants transportés par les courants aériens. Comme quoi, les pigeons ont du pif. Certains scientifiques ont fait l'hypothèse que d'autres mécanismes sont à l'œuvre dans l'orientation des pigeons. William Keaton s'intéresse à la détection du champ magnétique terrestre. En 1971, il publie dans le journal PNAS américain les résultats d'une série d'expériences. Il colle sur le dos des pigeons des aimants qui perturbent la perception du champ magnétique et les relâche pour observer leur trajectoire. Les animaux du groupe contrôle, eux, se retrouvent avec une barre de laiton sur le dos. Seuls les animaux aimantés sont désorientés, et ceux-ci se perdent davantage quand le ciel est couvert, alors qu'ils ne peuvent pas utiliser leur compas solaire. On a découvert depuis que les pigeons possèdent des nanocristaux de magnétite agrégés dans la peau que l'on trouve au-dessus de leur bec, qui leur permet de capter ce champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, et grâce à de nombreuses techniques, on est capable de suivre précisément la distance parcourue, l'altitude ou la vitesse de vol des oiseaux en posant des mini-GPS pour suivre tous leurs déplacements. Grâce à ces données millimétrées, de nouveaux records sont tombés. L'albatros, grâce à ses gigantesques ailes qui atteignent 3 mètres d'envergure, plane de la côte est à la côte ouest du pôle sud en grand cercle et parcourt 100 000 km par an, soit plus d'un quart de la distance Terre-Lune sans se poser au sol une seule fois. Tout comme le martinet que l'on trouve sous la latitude, l'albatros est capable de manger et dormir tout en volant. Ne faites pas ça chez vous. La championne du vol sans escale est pour sûr la barge rousse, un oiseau de rivage à long bec qui part d'Alaska et va passer la saison froide en Nouvelle-Zélande et en Australie. elle parcourt d'une traite 11 680 km, ce qui nécessite une semaine d'effort. Sacrée séance de gym. Et les pois-plumes migrent aussi. Le colibri à gorge rubis, malgré ses quelques grammes, voyage de l'Amérique du Nord jusqu'à sa résidence d'hiver dans le golfe du Mexique, 800 km au-dessus de la mer. Mais la championne incontestée en matière de distance est la Sterne Arctique, qui voyage du pôle Nord au pôle Sud, puis du pôle Sud au pôle Nord. L'équipe de Thomas Allerstam a publié dans le journal Ecology and Evolution en 2019 les résultats de 12 voyages annuels enregistrés à partir des périples de 8 oiseaux. Les sternes ont parcouru 50 000 km par an. Mais ce n'est pas tout. Dans l'eau aussi, il y a du mouvement. Les langoustes marchent à queue-leu-leu sur les fonds océaniques, les tortues marines retournent pondre sur la plage où elles sont nées. Les anguilles, nées dans la mystérieuse mer des Sargasses au large de la côte est des États-Unis, se métamorphosent et se transforment jusqu'à atteindre nos rivières d'eau douce en Europe, après avoir changé 3 fois d'aspect. De larves, elles deviennent civelles ou anguilles de verre, toutes transparentes, puis anguilles jaunes. Elles ne retourneront à l'océan que 10 ans plus tard pour s'accoupler à leur tour et adopter leur dernière livrée, sous forme d'anguilles argentées, et finir en beauté. Une aventure dont on ne connaît pas encore tous les détails aujourd'hui. Mais d'autres animaux plus surprenants auxquels on ne penserait pas forcément migrent également. Et parfois dans de drôles de conditions. Des millions d'adorables petits crabes rouges, endémiques des îles Christmas situées au sud de Java et au nord-ouest de l'Australie, sont connus pour leurs déplacements nuptiaux impressionnants. Au début du mois de novembre, ils envahissent tout, même les routes, où bien souvent ils périssent sous les roues des voitures. Mâles et femelles quittent le centre de l'île et les terriers où ils vivent pour rejoindre le rivage, où ils se retrouvent et s'accouplent. Le trajet n'est que de 4 km, mais il leur faut une semaine pour arriver à leur fin. Après l'accouplement, les mâles repartent en premier vers l'intérieur des terres. Les femelles, elles, restent 2 semaines sur le rivage, attendent la marée pour aller pondre dans la mer, puis font le chemin en sens inverse. Une balade qui n'est pas de tout repos. Mais le migrateur le plus surprenant reste très probablement celui qui nous apparaît le plus fragile d'entre tous, le papillon monarque. Ce papillon orange et noir, toxique pour qui voudra le croquer, a un cycle de vie unique. Originaire d'Amérique du Nord et du Canada, le vigoureux insecte s'envole pour la Californie, puis le Mexique, pour éviter de se retrouver gelé une fois le froid venu. Un nuage de millions d'individus parcourt ainsi plus de 4000 km à raison de 100 km par jour. Habituellement dotés d'une espérance de vie réduite de quelques semaines, les papillons qui naissent à la fin de l'été et qui entreprennent leur migration vers le sud ont une longévité exceptionnelle et vivent 8 mois, ce qui leur permet d'effectuer la première partie du voyage en une seule fois. Après avoir pondu et passé l'hiver, ils repartent vers le nord, mais meurent en chemin. Seuls les animaux de la 4e génération finiront le voyage et arriveront à bon port. Mais aujourd'hui, du fait de l'utilisation de pesticides, les plantes hôtes du papillon, comme l'asclépiade, tendent à disparaître, menaçant la survie du monarque. La déforestation menace également la forêt où il passe l'hiver. Pour sûr, la présence humaine complique sérieusement ces grands déplacements. Mais ce n'est pas tout. Le changement climatique bouleverse également leur timing. Une étude publiée en 2008 par l'équipe d'Abraham Miller Rushing dans le journal Global Change Biology révèle que 8 espèces d'oiseaux migrateurs sur les 32 étudiées aux États-Unis migrent plus tôt qu'ils ne le faisaient en 1970. La température s'étant élevée de 1,5 degré dans le Massachusetts, les conséquences sur la disponibilité des ressources est palpable. Le bruant des marais, qui migre sur une courte distance, voit ainsi son cycle modifié. Il part plus tôt, quand le climat est encore doux, et revient également plus tôt pour profiter des insectes du printemps. Mais d'autres oiseaux qui migrent plus loin, comme le tyran huppé, qui lui vadrouille jusqu'en Amérique du Sud, ne changent pas leur planning. Sans doute parce que, de leur lieu d'hivernage, ils ne sont pas capables d'évaluer la disponibilité des ressources plusieurs milliers de kilomètres plus au nord. Autre chose, ces changements peuvent aussi créer une compétition féroce entre les espèces. Une étude de Jelmer Samplonius et Christian Both, publiée en 2019 dans le journal Current Biology, révèle des luttes à mort violentes entre les gobe-mouches noires qui migrent et les musanges charbonnières qui restent. Le gobe-mouche a tendance à piquer les nids des mésanges, mais habituellement il revient d'Afrique, alors que celles-ci sont déjà bien installées. Maintenant, et puisqu'ils reviennent plus tôt, les gobe-mouches tombent au pire moment, pendant la nidification des mésanges, et les affrontements sanglants sont au rendez-vous. Les gobe-mouches trépassent en nombre. Pour le moment, l'équipe n'a pas observé de baisse dans la population de l'oiseau, car ce ne sont plus souvent les derniers retardataires mâles qui meurent en premier, ceux qui n'ont pas été capables de trouver de femelles à temps. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir si les oiseaux reviennent de plus en plus tôt ? Les gobe-mouches et les mésanges ont certainement du souci à se faire, car malgré ce que l'on dit souvent, une hirondelle fait bel et bien le printemps. nous revoici avec nos invités, Peggy et Annie Clerquin, biologistes et imprégnateurs, qui viennent nous présenter leur parcours et leur expérience avec des pélicans devenus stars du grand écran. Alors, commençons par le début. On va essayer de vous présenter un petit peu. Quelles sont vos formations? Quels sont vos parcours avant d'arriver à cette grande aventure des pélicans? Dites-moi, Yannick. Alors, bonjour. Donc, moi, mon parcours, donc, j'ai une formation universitaire classique, donc jusqu'au DEA, donc un DEA d'écologie et physiologie en milieu extrême. Et vous travaillez sur une espèce particulière à l'époque? Alors, à l'époque, je travaillais avec le CNRS de Strasbourg sur le manchot royal. D'accord. Et vous, Peggy? Donc, je suis biologiste aussi, et donc je me suis spécialisée par un DESS sur l'élevage tropical, donc bien loin des oiseaux à la base, voilà. Et donc, vous étudiez par exemple comment est-ce qu'on adapte les conditions d'élevage pour des vaches, des animaux, des ovins, des brebis, des moutons, dans des conditions différente de ce qu'on connaît en Europe. Oui, tout à fait. Voilà, c'est après le but n'était pas d'élever des espèces européennes en Afrique, mais d'accord, justement de développer les espèces locales dans des élevages locaux. D'accord. Voilà. Et donc tous les deux, après vos études, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a appelé pour un grand projet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, donc suite à nos études, en fait, Jacques Perrin nous a contacté parce que donc il devait pour le film Le Peuple Migrateur donc s'occuper de pélicans blancs d'Afrique, et pour ce faire, ils avaient besoin d'imprégnateurs avec une formation scientifique, puisque des études scientifiques devaient être menées sur ces pélicans en même temps. Donc il se trouve qu'à cette époque, on était tous les deux disponibles. Tout de suite, parce qu'il fallait vraiment être vraiment dispo dans l'immédiat, puisque pour ma part, ils allaient chercher les œufs. Enfin, ils m'ont contacté au moment où ils partaient chercher les œufs. Donc il fallait au retour des œufs être là pour s'occuper des petits. Et pour Peggy, on avait besoin de monde supplémentaire, parce que malheureusement, donc on s'est rendu compte que s'occuper de bébés pélicans, c'était un gros boulot, et il nous a fallu des bras supplémentaires, et puis donc une personne en plus. Voilà. Et donc là, vous parlez du fait d'avoir récupéré les œufs. Donc en fait, ces œufs, d'où ils venaient? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, les œufs ont été récupérés au Sénégal. Donc, dans les marais du Djoudj, il y a une énorme colonie de pélicans qui compte plus de 10 000 couples. Okay. Et dans cette colonie, donc, qui est sur une île de sable, donc la bordure s'effondre généralement au cours de la reproduction. Donc on a eu l'autorisation du parc du Djoudj de récupérer un œuf dans chaque nid de cette bordure où généralement les œufs ne survivent pas. Et donc 30 œufs ont été récupérés à cette fin et ramenés en France où ils ont été incubés, enfin terminés d'incuber. Sachant que les pélicans, donc ça pond combien d'œufs en fait? Chaque couple avait encore des œufs après le prélèvement du coup? Oui, alors les pélicans pondent 2 œufs généralement. D'accord. Donc ils peuvent faire une ponte de remplacement si besoin. Donc on leur laissait tout de même un œuf au cas où cette zone ne s'effondrait pas. Bon, il s'est trouvé qu'on a appris qu'effectivement elle s'est effondrée, donc les œufs étaient perdus de toute manière. Mais les oiseaux en fait continuent à s'installer là, mais c'est une détérioration récente, c'est un changement climatique qui fait que cette île de sable s'effondre ou... Non, les pélicans continuent à pondre dans cette zone-là. D'accord. C'est en fait un effet des changements d'eau au niveau des marais du Djoudj, c'est-à-dire qu'il y a certains marigots se mettent en eau à la saison des pluies et puis disparaissent complètement à la saison sèche. Et donc, quand les pélicans arrivent, le Djoudj est à plein en eau, et puis avec cause des changements d'eau, des changements de courant, il se trouve que ça s'effondre naturellement. Sacré changement pour nos pélicans. Et donc, une fois que les œufs sont arrivés, donc vous en occupez. Donc, vous parlez du métier d'imprégnateur. Alors, je voulais revoir un petit peu avec vous. Comment est-ce que vous définissez le métier d'imprégnateur? Le métier d'imprégnateur, mais c'est je vais le comparer, je vais pas le comparer justement, mais ce que je veux dire, c'est totalement différent du métier de dresseur, parce que notre but, c'est de quelque part de devenir oiseau. Donc dans notre cas, c'était notre but était de devenir un pélican, de pouvoir intégrer le groupe. Alors là, c'est pour le côté moins scientifique. Yannick vous expliquera ça plus scientifiquement. Voilà, donc le but, voilà, on est devenu pélican, ils nous prenaient pour un membre du groupe, voilà. Et donc ça veut dire que donc vous le distinguez du dressage, où le dressage, l'idée c'est de demander à l'animal de faire des choses sur commande pour l'écran, j'imagine, alors que vous, c'est pas du tout la démarche. Non, pas du tout, c'est que on leur propose des situations. Et c'est à nous, c'est à l'équipe de tournage de s'adapter à l'oiseau. Voilà. Après, il nous demande si ça c'est possible. On met l'oiseau en situation. S'il veut, il veut. S'il ne veut pas, eh bien... il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà. Et donc, ça veut dire que ces jeunes pélicans, vous avez récupéré les œufs, ils ont été mis en couveuse tout de suite. Et à partir de ce moment-là, vous étiez tout le temps avec les oiseaux. Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait, on s'est basé au départ sur le principe de Konrad Lorenz, comme quoi, donc, le premier être vivant ou la première chose, on va dire, qu'un oisillon voit en sortant de l'œuf, il le considère comme un parent. Alors, il s'est trouvé que pour les pélicans, ça marche pas du tout comme ça. Évidemment, ça aurait été trop simple. C'est le pélican, en fait, s'imprègne sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper continuellement pendant les mois où il est oisillon, pour qu'ensuite il nous considère effectivement comme un membre du groupe. Donc on était constamment avec eux, donc les nourrissons depuis 5 heures du matin jusqu'à 22 heures, 23 heures parfois. Et donc voilà, il s'agissait de passer un maximum de temps avec eux. Et rien que pour la nourriture, parce que du coup ces oiseaux donc venaient du Sénégal, ils ont été ramenés en France. Vous vous en occupiez en France. Et par exemple, comment est-ce que vous les nourrissiez, parce que vous n'êtes pas des papas et des mamans pélicans. Comment ça se passait? Alors c'est très très compliqué pour les pélicans, parce que c'est un oiseau qui est autant adulte et indestructible pratiquement. Il a très peu de prédateurs d'ailleurs. Autant oisillon, il est extrêmement fragile. Donc on commence par le nourrir dès l'éclosion. Enfin, on le laisse reposer d'abord suite à l'éclosion, et puis ensuite il faut le nourrir avec une bouillie de poisson prédigérée. Donc on prépare, on mixe du poisson avec un peu de calcium, des vitamines, et puis un peu d'enzymes pour commencer à prédigérer. Alors là, il faut faire attention parce qu'il faut chauffer le poisson mais pas le cuire. Donc c'est toute une science. Un dosage précis. Un dosage. donc on lui donne à la seringue tout doucement. On lui donne des vitamines. C'est tout un protocole d'élevage, parce que donc le pélican fait très rapidement des carences vitaminiques si le poisson est pas frais ou si on n'a pas bien dosé les vitamines. Donc il faut faire très très attention. Et au niveau des espèces, ça posait pas souci si vous lui donnez des espèces de poissons que nous on trouve facilement en France? C'était aussi nourrissant que le poisson qu'il aurait là-bas? Enfin, vous le nourrissiez avec quoi, par exemple? Alors, on le nourrissait essentiellement avec des filets de lieu. D'accord. On pouvait aussi lui donner des... Plutôt pas mal. Oui, on pouvait lui donner aussi des poissons locaux, essentiellement des poissons blancs, du gardon. On essayait d'éviter les truites et saumons qui sont un petit peu fortes en goût. Ouais. Et surtout, il faut faire attention de donner du poisson qui ne vienne pas de zones trop polluées, parce que le poussin est très fragile. Prendre aucun risque, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était en France. Donc vous êtes resté dans un centre d'élevage, c'est ça? Comment ça se passait? Donc nous étions au centre d'élevage de Bois-Roger, près de Caen. et où il y avait donc nos pélicans et toutes les espèces imprégnées. Tous les oiseaux du film étaient là. Du film, oui. Alors à des périodes différentes, hein, bien sûr, puisque le tournage a duré, enfin, l'imprégnation a duré quand même plusieurs années. Et donc il y avait un grand centre d'élevage. Voilà. Et cette partie-là en France, dans le centre, a duré combien de temps ? 3 mois. D'accord. Et après, la suite de l'aventure, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vas-y Yannick. Ouais. Donc ensuite, on est parti pour l'Afrique parce qu'il ne fallait pas que les pélicans s'adaptent trop aux températures de Normandie. Donc il a fallu, dès qu'ils ont commencé à avoir des plumes et à commencer à essayer de battre des ailes, on les a tous embarqués pour le Sénégal, donc reparti dans les marais du Djoudj. D'accord. Donc vous êtes parti en avion avec vos pélicans au Sénégal. Voilà. Et sur place, vous aviez des installations, vous aviez un centre sur place, pareil, avec des volières, avec de quoi les nourrir, les maintenir au chaud, ou vous avez tout construit? Alors, en arrivant? Non, on avait déjà organisé la construction donc de volières sur place avec l'équipe du parc du Djoudj. Donc, ils nous avaient construit tout un, pas un bâtiment, mais disons des volières en bois et roseaux. Et donc, c'est là qu'on a continué, en fait, à les élever et puis ensuite à les entraîner au vol et à la nage aussi. Donc, vous avez appris à des pélicans à voler. Rappelons que, à ma connaissance, vous n'êtes pas capable de voler. Comment est-ce qu'on apprend à des oiseaux à voler quand on est un être humain ? Alors, c'est un apprentissage qui se fait petit à petit. Donc, dès que les oiseaux montrent ont suffisamment de plumes pour voler, on les emmène là, en l'occurrence, sur une zone d'atterrissage et pour avion à l'origine. Et là, avec nos pélicans, on se place face au vent et puis on commence à marcher tout doucement pour qu'ils nous suivent. Et puis on marche de plus en plus vite, tout en écartant les bras, ce qui est assez, assez ridicule. pas pour un pélican, mais... Voilà, ce qui faisait beaucoup rire les Sénégalais. Les pélicans nous suivent. Comme ils nous voient écarter les bras, eux écartent les ailes. Quand on a de la chance, il y a suffisamment de vent, le vent s'engouffre dans les ailes et ils comprennent petit à petit qu'ils peuvent décoller. C'est long. Ils nous suivent d'abord, on court, ils nous suivent en vol. Et puis petit à petit, ils nous rattrapent évidemment, puisque vol beaucoup plus vite que nous. Et nous, on vole pas. Malheureusement. Merci de le préciser. Donc après, il faut passer à la voiture. Donc ils apprennent que nous, on est dans la voiture. Oui, c'est ça, ils arrivent à comprendre que vous êtes à l'intérieur et qu'ils vous suivent. Voilà, ils nous voient dans la voiture, donc évidemment, ils nous suivent. Et puis petit à petit, ils volent avec la voiture, en suivant la voiture. Et puis quand ils ont acquis assez de vitesse, cette fois, on passe à l'ULM. Mais dans le film, on voit beaucoup d'oiseaux en vol dans le ciel, donc ça veut dire que vous étiez toujours avec les oiseaux quand on voit les images à l'écran. Donc que ce soit sur l'eau, sur terre, dans les airs, vous êtes toujours quelque part à guider vos oiseaux. Voilà, en fait, on est quand on voit les oiseaux en l'air dans le film, donc il faut savoir que nous, on est devant sur l'ULM. Donc fallait aussi avoir le cœur bien accroché. Oui, la plupart du temps, c'était moi qui étais dans l'ULM parce que, malheureusement, Peggy s'est craché avec l'ULM pratiquement dès le début et elle avait très peur de monter dedans. Vous étiez blessé lors de l'accident ? Non, personne n'a été blessé, mais c'est déjà, c'est je n'aimais pas. Voilà. C'est impressionnant, d'autant que en fait nous avions des problèmes d'approvisionnement de poissons, parce que il nous fallait beaucoup de poissons. Mais tous j'imagine. Les jours. Voilà, et donc le pilote m'a proposé de m'amener dans le village de pêcheurs pour aller acheter du poisson. Nous avons décollé dans de bonnes conditions, atterri sur, je sais pas, un chemin de terre. Et nous sommes revenus et on a eu l'accident sur la fameuse piste d'aviation. Voilà. Qui était pourtant prévue pour. Pour, etc. voilà. Et donc, depuis ce jour, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à remonter sur un ULM. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais du coup, vous étiez sur l'équipe marine alors, parce qu'il fallait aussi voilà. filmer sur l'eau. Voilà. Donc, ayant vécu sur un bateau jeune, voilà, j'étais plus souvent oui, sur le bateau pour appeler les oiseaux. Moi, je suis quand même assez impressionnée par votre côté très multicasquette parce que juste après vos études, on vous appelle, vous apprenez à nourrir des pélicans, à les faire voler, à aller sur l'eau, dans les airs. C'est quand même un métier où vous avez été formé à tout, en fait. Enfin, vous êtes formé à tout, tout seul, j'ai l'impression, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'imprégnateurs de pélicans qui pouvaient vous montrer leur technique, mais c'était vraiment... sur le terrain, quoi. Il fallait apprendre sur place. Ouais, là, c'était vraiment totalement empirique, puisque donc, bien qu'on ait rencontré des dresseurs animaliers pour le cinéma, très peu en fait connaissaient les pélicans. Donc, en fait, on a vraiment appris sur le tas. Donc il a fallu se former et puis surtout avoir un bon sens de l'observation pour suivre ces oiseaux. Qui en effet eux tracent la route. On le verra tout à l'heure. On vous laisse siffloter et gazouiller pendant une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Atome. Je n'ai plus le moral nécessaire de signer le chèque qui doit nous unir. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Je croise en trois espèces chez l'homme la foi, la faim et la trahison. Je préfère agir avant de réfléchir, car le résultat n'est toujours pas le même. Pour une fois, j'enlèverai ma cravate pour m'introduire facilement dans la bourgeoisie ouvrière, afin d'avoir la conscience tranquille. Dites-moi, pourquoi achetez-vous des disques de blues? Est-ce par pitié ou parce que c'est bon? Le professeur Barnard est-il raciste? Ceux qui ont trouvé la bonne réponse ont gagné un cœur bien frais. Thank you. C'était Le moral nécessaire d'Alfred Panou, accompagné de l'Art Ensemble of Chicago. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Peggy et Yannick Clerquin, biologistes et imprégnateurs, qui reviennent avec nous sur leur expérience avec les pélicans du peuple migrateur. Alors on le disait avant la pause, vous avez travaillé avec 23 pélicans blancs que vous avez entraînés pour le film Le peuple migrateur de Jacques Perrin, sorti sur les écrans en 2001. Et on l'a vu, c'était une affaire sur le long cours. En fait, combien de temps est-ce que ça a duré ce travail avec les oiseaux, entre le moment où vous avez récupéré les œufs et le moment où les séquences ont été mises en boîte? Alors on a... Ça a été très long puisqu'on a passé 3 mois déjà pour les élever en Normandie, ensuite 11 mois au Sénégal pour les entraîner et puis la première partie du tournage. Et après 5 mois au Kenya, si la mémoire est bonne. Et puis ensuite on est resté avec eux pour d'autres films. On est rentré en France et puis on est resté un bon moment avec eux. En tout, on a dû passer 4 ans ou 5 ans avec les pélicans. Et moi, je me posais une question aussi par rapport à la caméra, parce que souvent, les oiseaux sont connus pour être néophobes, ils ont peur un peu de tout ce qui est nouveau. Est-ce que vos pélicans, ils n'étaient pas inquiets quand il y avait l'équipe de tournage, les caméras, les preneurs de son, etc.? C'est quand même un sacré appareillage. Alors les pélicans sont très sociaux entre eux, sont très curieux par nature. Et l'équipe de tournage l'ai trouvé plutôt cabotin, en fait. très bons acteurs, parce que en fait eux adorent quand il y a du monde, quand c'est nouveau. Ils aiment bien jouer avec les bonnettes de micro. Ouais, je suis surpris, c'est vrai que... Non, ils sont des oiseaux qui sont très sociaux, en fait. Eux-mêmes, entre eux, adorent se papouiller, se gratter. Ils ont beaucoup de comportements, sociaux en groupe. Et donc, finalement, comme ils nous avaient intégrés comme membres pélicans, finalement, avec l'équipe de tournage, ça s'est très très bien passé. Ils étaient assez surpris, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions. Du coup, ces pélicans, qu'est-ce qu'ils avaient d'original? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment qui sort du commun des autres oiseaux? Donc, ils sont très sociaux, vous le disiez. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme comportement un peu original chez le pélican? Alors, ce sont des oiseaux qui ont une excellente mémoire. Généralement, quand on leur apprend quelque chose ou quand eux-mêmes apprennent quelque chose, ils le gardent, enfin ils le retiennent très très longtemps. Sont des oiseaux qui sont particulièrement malins aussi pour nous on l'a vu, c'est-à-dire c'est pour les dresser, c'est pour le dressage pur, nous ce qu'on pratiquait pas, mais c'est pratiquement impossible parce qu'ils fonctionnent pas vraiment à la récompense. Ils ne fonctionnent c'est uniquement si ça leur plaît, si ça leur convient. Ils essayent tous les moyens aussi pour essayer de récupérer du poisson avec le moindre effort. c'est vraiment un comportement assez cabotin. Mais ça veut dire, parce que donc après le peuple migrateur, donc vous êtes revenu en France, les pélicans aussi, vous avez été séparés, j'imagine qu'ils ont été placés dans des structures, mais vous les avez retrouvés plusieurs années plus tard pour un autre projet, donc qui est le film Nicostratos le pélican. Vous parliez de très bonne mémoire, comment quand vous avez retravaillé avec eux, est-ce que ils se souvenaient de ce que vous leur aviez appris pour le peuple migrateur? Voilà, donc je les ai retrouvés un peu plus tard, donc pour un autre film. En fait, on les avait laissés au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, pour former une colonie. D'ailleurs, ils étaient à l'époque reproducteurs puisqu'ils ont eu des petits. Et puis pour un autre projet de film, donc on devait avec 8 d'entre eux partir en Grèce pour Nicostratos. On craignait qu'ils ne me reconnaissent plus, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé en Grèce, ils m'ont sauté dessus, ils ont eu les mêmes comportements que lorsqu'on était en Afrique ensemble, alors que je les avais pas vus depuis un bon moment, puisque donc le film Nicostratos a été tourné en 2011 et moi je les ai pas vus depuis 2005. Ouais. Donc plusieurs années de séparation, et malgré tout, il y avait quand même toujours ces interactions avec vous, quoi. Voilà, malgré tout, ils m'avaient reconnu, donc ils se sont comportés tout à fait comme si on s'était quitté la veille, quoi. C'était très très impressionnant. C'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment une très très bonne mémoire, parce que plusieurs années plus tard, on retrouvait les mêmes interactions. Et quand vous êtes séparés, du coup, ces oiseaux ont été donc placés en parc zoologique. Est-ce que vous avez su comment est-ce qu'ils se comportaient sur place ? Est-ce qu'ils étaient un peu différents du fait d'être séparés de vous ? Est-ce que vous avez eu des retours pendant cette période de séparation sur comment se comportaient les pélicans ? Pas trop ? Alors, on les avait placés donc les premiers temps. Donc un groupe avait été placé aux eaux de Vincennes, un autre aux eaux des Sables d'Olonne. On avait été obligé de séparer le groupe parce que malheureusement les enclos étaient trop petits. Et on espérait donc former des colonies pour avoir de la reproduction, parce qu'à cette époque la reproduction de pélicans blancs était pas très courante en Europe. Mais il n'y avait rien. Alors qu'on avait eu déjà des jeunes, nous, à Bois-Rouget, mais ils ne se reproduisaient plus. D'accord. Et puis donc on avait décidé d'aller les voir aux eaux des Sables d'Olonne, pour les retrouver un petit peu, pour l'espace d'une journée. Et on a eu l'autorisation des soigneurs de rentrer dans l'enclos pour les rendre visite. Et là, à nouveau, ces mêmes comportements sociaux, donc comportements de parade, essayer de nous monter sur le dos, attraper notre visage dans le bec. On a retrouvé nos pélicans, alors que les soigneurs nous ont dit qu'ils se comportaient pas du tout comme ça avec eux. Donc on est resté la journée avec eux. À l'époque, on avait notre fille. Bon, les pélicans ont montré de la jalousie vis-à-vis d'elle. Ils ont tenté de l'attaquer, ce qu'on n'avait pas vraiment prévu. Donc le pélican est exclusif. Il partage voilà, pas trop. Le pélican n'est pas partageur. D'ailleurs, nous-mêmes, quand ils se reproduisaient, on pouvait pas approcher des nids quand les femelles étaient sur œufs. Hein. Ils nous considéraient comme un concurrent potentiel et ils nous attaquaient. Sans merci. Voilà. Et donc, on a passé la journée avec eux et l'automne suivant, ils avaient les Sables d'Olonne avaient leurs premiers œufs. Donc, ils avaient recommencé à se reproduire. Après ce passage-là, en tout cas, s'est passé quelque chose, quoi. C'est impressionnant. Et on l'avait dit dans la première partie, vous avez été recrutés tous les deux juste après vos études, vous aviez un bagage scientifique parce que des données étaient récoltées sur ces pélicans pendant le tournage, ou avant ou après en tout cas. En quoi est-ce que ça consistait, ces données sur vos pélicans ? Donc dans un premier temps, on a récupéré des données biométriques, surtout le poids des oisillons, les mesures de bec et tarse, notamment donc pour vérifier qu'ils avaient une croissance idéale, quoi. Ces données, ensuite, on les a proposées à des magazines pour les éleveurs, notamment, parce que pour bien montrer justement qu'on suivait la croissance normale d'un pélican. Par la suite, quand on a été au Sénégal, on a fait des mesures de rythme cardiaque en vol. Avec l'équipe de Henri Weimerskirch, de Chizé, pour voir la dépense énergétique des oiseaux quand ils volaient en formation. Donc grâce à ces données, on a pu faire paraître un article dans Nature. Où on démontre que effectivement que les oiseaux en vol en formation ont des fatigues plus ou moins vite en fonction de leur position dans le groupe. Donc grâce au rythme cardiaque qu'on mesurait, et puis nous on a aidé parce qu'on pouvait identifier les oiseaux dans le groupe de vol, puisqu'on les connaissait tellement bien qu'il nous suffisait de les voir pour savoir qui était qui. Voilà, donc ça a été une étude intéressante qui a, que même j'ai appris plus tard, qui a servi pour les pour le vol des Mirage en formation, donc adapter, pour économiser du carburant. Voilà. Passer des avions de chasse aux pélicans, voilà. Et inversement. Non, c'est assez impressionnant. Et donc, ça montrait que, par exemple, les oiseaux en tête des formations en V, donc se fatiguaient plus vite, c'est ça ? Et voilà. Qu'il y avait un passage de relais d'un oiseau à l'autre. On montrait que les oiseaux qui étaient en tête, donc qui avaient un rythme cardiaque extrêmement élevé, à tel point d'ailleurs que ça dépassait les systèmes de mesure, et que, donc, dès qu'ils fatiguaient trop, en fait, ils relayaient avec l'oiseau qui était au bout, de façon à pouvoir économiser de l'énergie et puis voler plus longtemps, enfin conserver leur endurance de vol. Ce qui est très astucieux. Et donc après toutes ces aventures africano-grecques, Peggy, vous avez choisi un autre chemin. Tout à fait. Tout à fait. En différent. Enfin, oui et non. D'accord. Parce que donc, après ça, vous êtes partie sur quelle voie ? Et donc moi, maintenant, je travaille, j'accompagne des enfants en situation de handicap. D'accord. Voilà, dans une école. Et je pense que ce changement de voie est quand même lié à tout ce qu'on a vécu avant. Parce que ça nécessite les mêmes compétences, notamment la patience, l'écoute, l'observation, voilà. Alors, la gestion de groupe. La gestion de groupe. Voilà, donc effectivement un grand changement de voie, mais on est toujours un peu dans les mêmes idées. J'imagine, voilà. J'imagine. Et vous du coup, Yannick, après ces aventures-là, vous êtes passé par le parc de Villars-les-Dombes, justement ? Voilà, oui, donc... sans m'occuper véritablement des pélicans qui étaient là-bas, puisque le but, en fait, c'était qu'eux restent, forment une colonie, leur vie, ouais. Reprennent leur vie normale. Donc moi, j'ai intégré Villars-les-Dombes en tant qu'assistant scientifique. Donc c'est moi qui étais chargé donc de tout ce qui était animation pédagogique, la constitution des panneaux, et puis aussi m'occuper de la collection du parc des oiseaux, donc notamment des échanges dans le cadre de programmes de reproduction et de programmes de conservation européens. Donc ça, c'est programme de conservation. Donc si je vous suis bien, c'est vous inventoriez les oiseaux que vous avez, vous, au sein du parc. Vous voyez à peu près de quelle lignée ils arrivent. Et l'idée, c'est de faire comme du Tinder, du matching entre oiseaux, de zoos différents, pour avoir les meilleurs petits possibles. L'idée, on fonctionnait avec des coordinateurs de programme, donc ils sont répartis dans toute l'Europe. Il y a un coordinateur pour chaque espèce. Et donc, on leur envoie toutes nos données sur nos oiseaux. Donc, en l'occurrence, là, c'était des oiseaux, mais il y a plusieurs animaux. Donc les données généalogiques de chaque oiseau, puisqu'on les connaît depuis au moins 3 générations, puisque ce sont souvent des oiseaux protégés, donc il faut connaître leurs parents, grands-parents. Et en fonction donc de leur généalogie, le coordinateur nous dit ben les petits de cet oiseau vont aller dans tel parc pour former d'autres couples, ou alors nous on reçoit d'autres oiseaux. Donc notamment on avait repris le programme donc sur la grue carunculée, il nous restait qu'une femelle au parc des oiseaux. D'accord. Et donc on a reçu un mâle, ce qui nous a permis de relancer le programme. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui est un peu un travail de l'ombre, mais de conserver la diversité génétique que les parcs zoologiques ont dans leurs établissements, c'est vrai que c'est aussi une des parts importantes des programmes de conservation finalement. Même si on ne parle pas de réintroduction en nature, maintenir ce pool génétique, finalement, c'est crucial aussi pour l'avenir de l'espèce. Voilà, c'est, si on veut maintenir, je dirais, ces animaux, enfin au moins les conserver, parfois il est nécessaire malheureusement d'en passer par la captivité. C'est le cas notamment pour le manchot de Humboldt. Alors le manchot de Humboldt, on sait que on en a quelques-uns en parc zoologique, on en a pas mal même. On aimerait bien le réintroduire, malheureusement son environnement est extrêmement dégradé à cause des problèmes de surpêche au niveau du Chili. En plus, donc on a le phénomène d'El Niño qui n'arrange pas la situation, qui se reproduit de plus en plus souvent. Donc ça, ce sont des changements de courant, c'est ça? Voilà, ce sont des changements de courant. En fait, c'est une bulle d'eau chaude, en gros, une énorme bulle d'eau chaude qui se forme au niveau de l'Australie, qui traverse le Pacifique et qui va s'arrêter au niveau des côtes du Chili. Et malheureusement, cette bulle d'eau chaude fait que le poisson dont se nourrissent les manchots de Humboldt, qui lui est habitué au courant froid, descend très loin en profondeur et est pratiquement inatteignable pour nos petits manchots. Donc ils ne trouvent plus de nourriture et la mortalité au niveau des poussins est vraiment catastrophique pendant les phénomènes El Niño, à tel point que là, on dénombre plus qu'environ 8000 manchots de Humboldt dans le monde, donc en liberté. Donc pour l'instant, on préserve le manchot de Humboldt dans les parcs zoologiques. Pour la réintroduction, ça va être particulièrement compliqué. Bon, il faut savoir que d'autres espèces ont pu être réintroduites. Alors là, c'est pas au niveau de l'Europe, c'est au niveau des États-Unis, mais on sait qu'on a sauvé notamment le condor de Californie et la grue du Canada grâce à ces programmes. On a réintroduit des animaux de parcs zoologiques. Nous, au niveau du parc des oiseaux, on a pu réintroduire aussi des vautours moines. D'accord. En France, ouais. Oui. Donc, plusieurs oisillons donc, du parc des oiseaux ont été réintroduits dans différents massifs de France. Ce qui est une belle victoire. Puis si en plus on les voit qui mènent leur petite vie, fondent leur famille, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et après tout ça, vous avez encore viré de bord. Et cette fois, vous avez fondé Niagabar, si je n'écorche pas le vrai nom. Alors, dites-moi un peu plus, qu'est-ce que c'est Niagabar ? En fait, c'est un changement de vie complet, c'est-à-dire qu'on a souhaité s'installer, en Aveyron, dans une zone de campagne, vivre le plus possible en autonomie, construire notre maison. Et donc j'ai fondé Niagabar, qui veut dire le pélican en fait, en Wolof tout simplement, donc qui est une société où je suis illustrateur, dessinateur, donc dessinateur animalier, scientifique. Et pour qui dessinez-vous ? Alors je dessine pour des parcs zoologiques ou des associations de protection de la nature, donc notamment pour le zoo de la Garenne en Suisse, qui me fait beaucoup travailler en ce moment, pour lequel je fais les illustrations de mini-guides à destination des plus jeunes. Bon, et alors donc je sais que je vous ai un peu arraché à votre table à dessin en ce moment, vous étiez en pleine période de productivité. Là, donc vous étiez en train de travailler sur ces guides, vous, alors, sur quoi travaillez-vous là, en ce moment ? J'ai double travail, c'est-à-dire que là, on a attaqué un nouveau mini-guide donc sur la truite sauvage. Et en même temps, donc là, je travaille aussi sur un topo guide pour une fédération d'escalade qui travaille en collaboration avec le conservatoire des mammifères et espèces de montagne. Je fais des illustrations sur le lynx. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Peggy et Yannick, d'être venus de si loin pour nous retracer vos parcours et nous parler de ces fascinants pélicans. Je vous mettrai bien sûr tous les liens avec le podcast de l'émission, mais vous pouvez déjà retrouver quelques-uns des dessins de Yannick sur son book en ligne via le site zoobelli.com. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je voulais vous proposer quelques ouvrages qui m'ont inspiré pour écrire cette chronique sur l'immigration animale. J'ai donc fait un choix cornélien et vous présente trois livres. Le premier est l'album documentaire Migration, le merveilleux voyage des animaux de Mike Ewin et Johnny Desmond, traduit par Sébastien Cordin et paru aux éditions des Éléphants. Ce très bel album présente 20 animaux, un par double page, à travers les très belles illustrations de Johnny Desmond qui laissent toute leur place au milieu dans lequel évoluent ces animaux. Albatros au milieu des vents et des vagues, hirondelle au-dessus d'un champ de blé étincelant, nuée de roussettes géantes dans la nuit indienne, fil d'éléphant dans la brousse. Le livre est très immersif et la quantité de textes et d'informations est très justement dosée. Le deuxième ouvrage que je vais vous présenter est l'album « Les oiseaux globetrotteurs » de Fleur Dauget et Sandrine Thomen, paru aux éditions Actes Sud Junior. Ce livre de 53 pages est une vraie réussite. Les textes de Fleur Dauget sont complets, précis, mais sans être compliqués et permettent d'aborder en détail une quantité de points passionnants sur la migration des oiseaux. Comment ils se préparent au voyage, comment les humains ont étudié leurs déplacements, les prouesses des uns et des autres, etc. On sent toutes les recherches que l'autrice a faites pour rendre le livre le plus complet possible, tout en restant abordable pour un large public. L'ouvrage est sublimé par les illustrations de Sandrine Thomen et ses oiseaux à la fois très détaillés, mais aussi stylisés et mignonifiés sont un vrai régal, un vrai coup de cœur. Le dernier livre de cette sélection s'intitule « Les migrations animales, étonnant voyage » de Dwight Holling, traduit par Pierre Bertrand et paru chez Milan. Ce livre, agrémenté de très nombreuses photographies, retrace en 120 pages toute la diversité des espèces migratrices, du krill au gnou, en passant par les baleines, les manchots ou les bouquetins. L'ouvrage se découpe en quatre parties bien conçues, l'introduction, puis une présentation des migrations terrestres, aériennes et aquatiques. Un ouvrage exhaustif, muni entre autres d'une page poster qui permet de suivre la navigation des zèbres et des gnous dans le Serengeti et le Masai Mara, et qui permet d'avoir une vision globale des phénomènes migratoires chez les animaux. Un excellent livre de fond. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenitpi.com. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.